50 languages. 43. 43. 43. في حديقة الحيوان. Au zoo. Au zoo. حديقة الحيوانات هناك. Le zoo est là-bas. Le zoo est là-bas. هناك الزرافات. Les girafes sont là-bas. Les girafes sont là-bas. أين هي الدببة؟ Où sont les ours? Où sont les ours? أين الفيلة؟ Où sont les éléphants? Où sont les éléphants? أين الأفاعي؟ Où sont les serpents? Où sont les serpents? أين الأسود؟ Où sont les lions? Où sont les lions? لدي آلة تصوير. J'ai un appareil photo. J'ai un appareil photo. ولدي أيضا آلة تصوير أفلام. J'ai aussi une caméra vidéo. J'ai aussi une caméra vidéo. أين أجد بطارية؟ Où puis-je trouver des piles? Où puis-je trouver des piles? أين هي البطاريق؟ Où sont les pingouins? Où sont les pingouins? أين هو الكنغر؟ Où sont les kangourous? Où sont les kangourous? أين هي وحيدات القرن؟ Où sont les rhinocéros. Où sont les rhinocéros? أين هو المرحاض? Où sont les toilettes? Où sont les toilettes? هناك مقهى. Il y a un café là-bas. Il y a un café là-bas. هناك مطعم. Il y a un restaurant là-bas. Il y a un restaurant là-bas. أين هي الجمال؟ Où sont les chameaux? Où sont les chameaux? أين هي الغوريلا والحمار الوحشي؟ Où sont les gorilles et les zèbres? Où sont les gorilles et les zèbres? أين هي النمور والتماسيح؟ Où sont les tigres et les crocodiles? Où sont les tigres et les crocodiles?